Rubens en Italie par Horace von Hoffel. Pendant que l'archiduc d'Albert mettait le siège devant Ostende et que les dernières convulsions de la guerre ébranlaient encore le sol des Pays-Bas, Rubens en Italie gravissait à pas lents l'escalier d'or de la gloire. Le duc de Mantoue, son protecteur, était fanatique de Michel-Ange. Il aimait à parler du grand artiste et à raconter des particularités de sa vie. Buona Roti ne se lavait jamais par hygiène. Toujours rempli de vastes idées, il ne passait pas un jour sans manier le ciseau ou les pinceaux. Quand on lui reprochait son caractère farouche, il ripostait. L'art est jaloux, il demande l'homme seul et tout entier. Il méprisait les plagières et ne tolérait point qu'on se relâchât des égards dus à l'excellence de son art. Parfois, Pierre-Paul Rubens s'effrayait de l'audace des vieux maîtres de la péninsule. Pourrait-on jamais, dans les Flandres brumeuses, élever l'art à une pareille hauteur? Cette terre humide ne produit point de marbre, et le soleil n'y répand que de pâles reflets, continuellement noyés par les pluies. Tandis que dans les campagnes romaines, sur les collines de Florence, la présence des dieux se manifestait encore. Là, le laurier croît parmi les herbes sauvages, les troupeaux broutent au pied des temples en ruine, et la charrue du laboureur heurte le sommet des colonnades ensevelies. N'était-ce pas les lieux mêmes où l'humanité goûta les délices de l'âge d'or, où s'épanouissaient les fleurs et les fruits du jardin des Hespérides? Là, sous ce ciel auguste, incomparablement pur, où les hommes les plus misérables avaient conservé la grâce et la majesté des statues antiques. À Rome, dans la chapelle Sixtine, Rubens reçut le coup de foudre. Les croyants de l'art ont leurs saints et leurs martyrs. En cet endroit, Michel-Ange avait été torturé et crucifié, et de son supplice naquirent ces cris énormes et impérissables, le déluge et le jugement dernier. Non, jamais il ne fallait espérer d'atteindre une pareille énergie, une pareille véhémence, une pareille terreur. L'homme n'est plus. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle sur les franges obscures du monde. Et Pierre-Paul comprit qu'au-delà de la science la plus haute, il y a l'inspiration. L'inspiration qu'il faut mériter par un immense amour ou un insondable enfer de souffrance. Mais pendant que Rubens se sentait devenir timide devant les prophètes de la Renaissance et qu'il doutait de son propre génie, sa réputation grandissait dans les villes immortelles. Il peignit plusieurs toiles, une Sainte Vierge pour l'oratoire du pape, les 12 apôtres pour le palais de Rospigliosi et une tumultueuse orgie de Lansquenet pour le palais Colonna. Tour à tour, sa curiosité inquiète l'attirait de Rome à Venise, de Venise à Rome, des inimitables coloristes des rives de l'Adriatique aux dessinateurs puissants des bords du Tibre. Réunir ces noms miraculeux en une seule œuvre, telle était son ambition cachée. Rubens séjourna à Florence, où le duc de Toscane lui demanda un Hercule entre Vénus et Minerve. Il y laissa son portrait, les trois grâces et un plantureux Silène, étrange figure d'ivrogne flamand tout étonné de se voir dans cet Olympe. À Bologne, Carrache attira ses regards. À Milan, il copia la scène de Léonard de Vinci. Après Milan, Pierre-Paul visita Gênes. Précédé de sa renommée, il y entra en triomphateur. Les sénateurs, les patriciens et les principaux d'entre les marchands se disputèrent ses œuvres. Il composa à Gênes deux de ses plus belles toiles, un Circoncision et un Saint-Ignace pour les pères jésuites. Puis, inspiré par la noble perfection des monuments romains, il grava les plans de plusieurs palais génois. L'ouvrage, contenant 136 planches, fut publié avec l'épigraphe « Noctu incumbando diuque » sous l'image d'une poule couvant ses œufs. Et le temps fuyait. Déjà, âgé de 30 ans et enrichi par ses travaux, Rubens ne songeait pas encore à regagner sa patrie. Il redoutait de quitter l'Italie pour toujours. Où trouverait-il tant de gloire et de si vastes souvenirs? Cette contrée divine le tenait sous le charme, comme une femme trop belle, qui endort notre énergie et dont les enchantements finissent par nous donner le goût de la mort. Un jour, Pierre-Paul vit entrer dans son atelier un homme qui se fit connaître pour Jean Bruegel, fils de Peter Bruegel, le vieux, dit le drôle. Bruegel venait de parcourir l'Italie et avait trouvé partout la trace de son glorieux compatriote. « Formé par mon père, expliqua-t-il, et par Peter Koch d'Alos, je ne pensais point que l'on pût élever l'art flamand si haut, en sortant de nos traditions locales. Tous ceux qui sont allés à Rome avant vous y ont perdu l'esprit. Janssens et Koberger, qui brillent en ce moment à Anvers, font regretter le naturel et la naïveté de nos ancêtres. Que je suis heureux de vous saluer. Vous seul, à votre retour, vous sauverez notre art, égaré en ce moment dans l'imitation stérile et le maniérisme. Je ne songe nullement à rentrer, protesta Rubens. Le triste climat du Nord m'épouvante. Quel péché ai-je commis pour que vous vouliez me bannir du paradis terrestre? Retourner en Flandre? Rien que d'y penser me mortifie. Quoi? Faudrait-il aller vivre parmi les rustres, dans des villes sans gloire et sans style? Pour qui travaillerais-je là-bas? Pour nos gros marchands, nos bourgmestres et nos capitaines des gildes? Faudrait-il que je vécusse à la taverne avec les Van der Noort, les Hansens et leurs semblables? Que je m'entendisse dire à chaque instant que j'ai quitté l'Italie parce que l'Italie ne voulait plus de moi? Certes, souvent le souvenir de notre pays m'émeut. Alors je revois notre ciel tourmenté et la pluie et les larges rivières. Je revois les paysages qui bougent. J'entends le vent dans les roseaux et les arbres. Mais cette vision fuit, chassée par une autre. Devant moi se lève une foule hostile, ignorante, et le visage haineux des rivaux grossiers, jaloux. Pardonnez-moi si je vous offense. Souffrez, répliqua Jean Bruegel, que je vous contredise. J'admets qu'en art, rien ne surpasse les anciens. Eux seuls ont connu les secrets de l'harmonie, de l'équilibre et des justes proportions. Leurs édifices sont si parfaits que l'œil se repose en les contemplant. Mais cette vérité, cette lumière, ces enseignements doivent-ils rester cachés? Votre devoir n'est-il pas de les montrer aux autres, à ceux qui en ont besoin? Et fait-on l'aumône aux riches et donne-t-on du pain à ceux qui sont rassasiés? En vérité, je comprends l'état où vous êtes. Cette terre offre tant de merveilles à nos regards que nous en demeurons éblouis. Qui résisterait au charme de Venise, à la superbe envolée des temples de Rome, aux souvenirs de Florence, de Vérone et de Mantoue? Mais à côté de cette fière Italie, que je compare à une épouse éternellement jeune, couronnée de fleurs, vêtue de riches habits, je perçois une femme solitaire et vieille. Cette humble femme sourit et me tend les bras. La repousserai-je? Oh non, mon maître, car celle-là, c'est notre mère. Rubens pencha le front et tomba dans une longue rêverie. Les dernières paroles de Bruegel avaient trouvé le chemin de son cœur. La Flandre, tout à coup, venait de lui apparaître sous l'aspect d'une figure familière, tendrement aimée. Sa mère. Comment prononcer ce mot sans se rappeler le calme et doux visage de Marie Pichpaling? Son regard clair, son amour, son courage et sa sagesse. Mais bien qu'il se décide brusquement à reprendre le chemin du retour, il ne devait plus la revoir vivante. C'était Rubens en Italie par Horace von Hoffel.